Fin d'amour. Le gai soleil chauffait les plaines réveillées. Des caresses flottaient sous les calmes feuillets, offrant à tout désir son calice embaumé, où scintillait encore la goutte de rosée, chaque fleur par de beaux insectes courtisés, laissait boire le suc en sa gorge enfermée. De larges papillons se reposant sur elle, les épuisaient avec un battement d'ailes, et l'on se demandait lequel était vivant, car la bête avait l'air d'une fleur animée. Des appels de tendresse éclataient dans le vent. Tout sous le tiède aurore avait sa bien-aimée. Et dans la brune rose où se lèvent les jours, on entendait chanter des couples d'alouettes, des étalons hennir leurs fringantes amours, tandis qu'offrant leur cœur avec des pirouettes, des petits lapins gris sautaient au coin d'un bois. Une joie amoureuse, épandue et puissante, semant par l'horizon sa fièvre grandissante, pour troubler tous les cœurs prenait toutes les voies, et sous l'abri de la ramure hospitalière des arbres, habités par des peuples menus, par ces êtres pareils à des grains de poussière, des foules d'animaux de nos yeux inconnus, pour qui les fins bourgeons sont d'immenses royaumes, mêlaient au jour levant leur tendresse d'atomes. Deux jeunes gens suivaient un tranquille chemin, noyés dans les moissons qui couvraient la campagne. Ils ne s'étreignaient point du bras ou de la main. L'homme ne levait pas les yeux sur sa compagne. Elle dit, s'asseyant au revers d'un talus, « Allez, j'avais bien vu que vous ne m'aimiez plus. » Il fit un geste pour répondre, « Est-ce ma faute ?» Puis il s'assit près d'elle. Il songeait côte à côte. Elle reprit, un an, rien qu'un an. Et voilà comment tout cet amour éternel s'envola. Mon âme vibre encore de tes douces paroles. J'ai le cœur tout brûlant de tes caresses folles. Qui donc t'a pu changer du jour au lendemain? Tu m'embrassais hier, mon amour, et ta main aujourd'hui semble fuir sitôt qu'elle me touche. Pourquoi donc n'as-tu plus de baisers sur la bouche? Pourquoi? Réponds. Il dit, est-ce que je le sais? Elle mit son regard dans le sien pour y lire. Tu ne te souviens plus comme tu m'embrassais, et comme chaque étreinte était un long délire. Il se leva, roulant entre ses doigts distraits la mince cigarette et d'une voix lassée. « Non, c'est fini, » dit-il. « À quoi bon les regrets? On ne rappelle pas une chose passée et nous n'y pouvons rien, mon ami. » À pas lents, ils partirent, le front penché, les bras ballants. Elle avait des sanglots qui lui gonflaient la gorge et des larmes venaient luire au bord de ses yeux. Ils firent s'envoler au milieu d'un champ d'orge deux pigeons qui, s'aimant, fuirent d'un vol joyeux. Autour d'eux, sous leurs pieds, dans l'azur sur leur tête, l'amour était partout comme une grande fête. Longtemps le couple ailé dans le ciel bleu tourna. Un gars qui s'en allait au travail entonna une chanson qui fit accourir, rouge et tendre, la servante de ferme embusquée à l'attendre. Il marchait sans parler. Il semblait irrité et la guettait parfois d'un regard de côté. Ils gagnèrent un bois. Sur l'herbe d'une sente, à travers la verdure encore claire et récente, des flaques de soleil tombaient devant leurs pas. Ils avançaient dessus et ne les voyaient pas. Mais elles s'affaissaient, haletantes et sans force, au pied d'un arbre dont elle étreignit l'écorce, ne pouvant retenir ses sanglots et ses cris. Il attendit d'abord, immobile et surpris, espérant que bientôt elle serait calmée, et sa lèvre lançait des filets de fumée qu'il regardait monter, se perdre dans l'air pur. Puis il frappa du pied, et soudain le front dur. Finissez, je ne veux ni larmes ni querelles. Laissez-moi souffrir seul, allez-vous-en, dit-elle. Et relevant sur lui ses yeux noyés de pleurs, oh, comme j'avais l'âme éperdue et ravie, et maintenant elle est si pleine de douleur. Quand on aime, pourquoi n'est-ce pas pour la vie? Pourquoi cesser d'aimer? Moi, je t'aime, et jamais tu ne m'aimeras plus ainsi que tu m'aimais. Il dit, je n'y peux rien, la vie est ainsi faite, chaque joie ici-bas est toujours incomplète. Le bonheur n'a qu'un temps, je ne t'ai point promis que cela durerait jusqu'au bord de la tombe. Un amour né vieillit comme le reste et tombe. Et puis, si tu le veux, nous deviendrons amis, et nous aurons, après cette dure secousse, l'affection des vieux amants, sereine et douce. Et pour la relever, il la prit par le bras, mais elle sanglota. Non, tu ne comprends pas. Et se tordant les mains dans une douleur folle, elle criait « Mon Dieu, mon Dieu !» Lui, sans parole, la regardait. Il dit « Tu ne veux pas finir, je m'en vais. » Et partit pour ne plus revenir. Elle se sentit seule et releva la tête. Des légions d'oiseaux faisaient une tempête de cris joyeux. Parfois, un rossignol lointain jetait un tri aigu dans l'air frais du matin, et son souple gosier semblait rouler des perles. Dans tout le gai feuillage éclataient des chansons, le hautbois des lineaux et le sifflet des merles, et le petit refrain alerte des pinsons. Quelques hardis pierrots sur l'herbe de la sente s'aimaient, le bec ouvert et l'aile frémissante. Elle sentait partout, sous le bois reverdi, courir et palpiter un souffle ardent et tendre. Alors, levant les yeux vers le ciel, elle dit « Amour, l'homme est trop bas pour jamais te comprendre.